Le club, la seule émission de radio réservée à un public VIP. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh, wesh, wesh, et wesh, et wesh, et encore wesh, et c'est le club. Et on est de retour. On est de retour pour cette troisième partie qui va vous entraîner du côté de la FM. Ça va être tout de suite d'ailleurs. Ouais. Ah, ça va être tout de suite. On va y aller. Tu connais le principe ? Bah, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que le principe du côté de la FM ? Bah, le principe, tu vas nous le dire, tiens, tout de suite, tiens. Alors, le principe est très simple. Nous avons ici à la radio beaucoup de matériel pour un petit peu interagir avec d'autres radios. Nous pouvons nous brancher sur d'autres canaux. Oui. Pour avoir des radios de partout dans le monde. Allez, sur quelle fréquence que tu veux nous mettre ? Qu'on peut aller en Sibérie, on peut aller au Niger, on peut aller en Thaïlande, on peut aller au Maroc, on peut aller en Iran, on peut aller en Australie, on peut aller aux États-Unis, à Bruxelles, à Francfort, à Madrid. Ah bah ça, c'est excellent ça. Est-ce que tu as vu, je t'ai cité tous les continents, au moins un pays dans chaque continent. Eh oui. Il faut le savoir. La radio peut aller dans tous les pays grâce à un matériel assez sophistiqué, effectivement. Alors, bah, je vais lancer le petit indicatif sonore. Il faut dire qu'on a quand même une grosse parabole sur le toit, hein. Ça aide, effectivement, ça aide. Donc on va se brancher en direct sur une des grosses radios. Alors le pays du jour, c'est un pays qui est cher aux amis qui vivent dans le sud, puisque, attention, nous allons partir du côté de Tunis. Eh hey, ouais. C'est hey, donc ouais. En Afrique. De la chaleur là-bas. En Afrique du Nord, ouais. Voilà. Alors tu vas brancher tout ça. Ouais. Pendant le temps que tu fais tes petites installations, nous, alors, qu'on fait, c'est qu'on envoie une petite musique d'intercalage bien sympathique qui annonce bien que c'est du côté de la FM. Du côté de la FM. Voilà, ouais. De retour dans du côté de la FM cette fois, où Mister Alain a placé donc l'antenne de la parabole pour un temps droit sur l'Afrique. Donc nous allons nous brancher, Tu me dis quand j'appuie sur le bouton. Attends, nous allons nous brancher du côté de la FM, nous entraîne dans une destination de rêve, Tunis, en quel pays Tunis ? Tunis, c'est dans quel pays ? Alors là tu me poses une colle. Attention ! Ah là là, tu me poses une colle là. Tunis, c'est dans quel pays ? Bah Tunis c'est en... Bah je sais que c'est en Afrique du Nord. Ouais c'est vrai, je l'ai dit. Oui tu l'as dit, mais Tunis c'est dans quel pays ? Mais dans quel pays ? Ah Tunis c'est... Ouais. Dakar, ouais. Non. Non. Non. Non. Non. Tunis c'est dans quel pays ? Dans quel pays ? Attention hein. Ah là là. Ça y est, tu m'as posé une colle aujourd'hui, tiens. La colle du jour. La colle du jour, alors là tu m'as scotché. Bah je sais bien. Alors Tunis c'est dans quel pays ? Tunis, c'est dans quel pays ? Il y a un auditeur qui va venir m'aider là par hasard. Attends, Tunis. Tunis, c'est dans quel pays ? Ah non, Alain, attends. Ne me dis pas que tu sais pas dans quel pays si, c'est. Si, mais attends, j'ai un trou de mémoire là tout d'un coup là. On te remet une petite bande musicale en ouais, attendant. Ouais, vas-y. Pendant ce temps-là, Alain, Mister Alain réfléchit dans quel pays se trouve la ville de Tunis ? Alors là, si je ne sais pas ça. Non, c'est pas le Niger. Non. Alors, il va se coucher. Voilà, le temps qui t'était imparti, hein, s'est écoulé. Donc, bah, je te donne la réponse. Du côté de la FM, nous entraîne sur une destination de rêve, Tunis, en Tunisie. Eh oui. Tu l'avais sur le bout de la langue. Tout à fait. Tunis, en Tunisie. Et en plus, je suis allé là-bas. C'est dommage. Je suis vraiment con, hein. Alors Alain, donc oui. On va écouter Radio Tunis, l'actualité informative en Tunisie avec des jeux, du divertissement. Je te propose tout simplement d'appuyer sur le bouton. Allez. Et on va se brancher sur cette radio. Allez. Radio Tunis. Je fais le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, on y va. ونحاكي بحالي On est à Tunis. Excellent. Ça y est, on y est. J'espère qu'on va voir un présentateur. Déjà des musiques très tunisiennes. Hein. Allez, chante. Excellent. C'est bon ça. Ah ouais. Je crois que quelqu'un va parler. C'est bientôt la fin de la chanson, je la connais. Ah ouais, ça y est, je peux pas. Vous êtes en direct sur Tunis, l'événement est grand. شويه دعايه للقائمه عدد سنين ماشيه مليح طيب القائمه عدد اربعه هي التي تتصدر الطليعه الو وي الو الو الو مرحبا شكون معنا؟ انا سلوى من منوبه سي اكسلون صح بيك عايش تعمل في الدنيا سلوى انا ربط بيت مرحبا بيك وبيك انت اخترت القائمه عدد سنين عدد سنين اللي فيها شيرين صبري قليل إيهاب وذكرى أنا أيه؟ عارف هيثم شاكر عاشق من بركات ليلى مستر جاك بتخدير على أنغام ألو سلام عليكم ألو فيصل ولم يريح وين الضحكة خلاص سلام بركة مليار محمد منير حنين علاش القائمة على اثنين فيها ذكرى وإيهاب توفيق أغنية حلوة بس ما تبدأش مشاف ولا اسمعها إن شاء الله قائمتك هي اللي تفوز شكرا لك اللي تسمع في الإذاعة في الوقت هذا عجبتك الفكرة حلوه باشا اي بيه كل مستمع هو اللي اختار ان شاء الله من الجمعه الجايه من اول الحصه لاخرها كل الاغاني اللي اختارها يختاروها المستمعين احنا مازلنا في الدعايه للبرنامج تو شكرا ليك وبارك الله فيك الى اللقاء الو ابيتو الو الو مرحبا مرحبا شكون معنا مرحبا سا فيدير بونجور جو بونس واي جو بونس سعاد محمد المشتان في الدنيا سعاد مرحبا مرحبا ولا لا سالت تليفون تونيزيان انت اخترت القائمة عدد ثلاثة اذا قلنا غير الاغنية هذه نتاع ذاك الاسمع معايا ترى اون اون ديريكت سور اون راديو دو تونيزي وي و لانيماتور اي كو ميم اكسيلون اي لي بون اي لي تري بون لوي شريتي هالاخير وي علاش القائمة عدد ثلاثة سان تيتر جي لامبرسيون اي لي تري بون لانيماتور علاش القائمة عدد ثلاثة وي فيها وديع الصافي ونجوى كرم اون فا انتيرومبل اكسبيريونس On va quitter Radio Tunis. Allez, j'appuie ce bouton. Voilà. Mais on reste pas loin de Tunis parce que l'intérêt de, du côté de la FM, c'est quand même de vous parler un petit peu de la ville. Ouais. Et du pays. Et du pays. Alors Tunis, c'est la première ville du pays, il faut le savoir. Et la musique que tu passes actuellement, c'est Khaled. Un Algérien bien connu. Voilà. Mais l'Algérie n'est pas très loin de la Tunisie. Voilà. Alors Tunis, première ville du pays, Tunis est tout à la fois. C'est la capitale administrative, politique, culturelle et économique. Tu le savais ça ? Oui, ça je le savais. Ouverte sur l'Occident, elle vit en même temps au rythme des mille et une traditions venues de tous les coins du monde. Elle a un charme cosmopolite, à la fois oriental, un petit peu provincial avec sa vieille médina, enserrée par des quartiers modernes où se mêlent des immeubles dernier cri et des façades datant de l'époque coloniale. Alors quelques prix pour se rendre à Tunis puisque vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est d'aller écouter Radio Tunis en direct sur un poste FM. Le vol, plus hôtel 4 étoiles, plus cure, plus demi-pension, si vous avez besoin de m'écrire, c'est parfait. 485€ par personne, c'est pas cher. Ah bah c'est donné. C'est pas cher, c'est pas cher. Ah bah mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez partir cet hiver, pour les fêtes de Noël. Là. Ou cet été. Ou cet été, eh ben foncez. Alors on a cru comprendre, Alain, que tu étais allé à Tunis. Oui. Raconte-nous ton voyage en une minute. C'était super joli. Je vous garantis, allez-y, c'est super beau là-bas. Et puis c'est vrai que le matin il fait très bon là-bas, mais à partir de midi, c'est la canicule. Il fait pratiquement 42 degrés à l'ombre. Ah, c'est bon. Sous les palmiers. Ah, c'est bon. La mer elle est bonne, 28 degrés. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Et puis c'est vrai que vous passez une agréable journée là-bas. Vous passez votre temps à dormir parce qu'il fait tellement chaud. Et le soir, vous bougez. Parce qu'il fait frais et puis c'est vraiment agréable là-bas. Alors justement j'en viens, sortir à Tunis, on est tous jeunes, je veux dire certains plus que d'autres, et on aime bien bouger son corps sur des rythmes digitales. Oui. À Tunis, il y a une adresse branchée, c'est la pizzeria du Sinbad. C'est plus qu'une pizzeria, c'est un véritable club discothèque, un lieu dans lequel on peut mouver son corps sur tous les rythmes d'Afrique du Nord. Et c'est vraiment la bamboula jusqu'à 7h du matin. Et à Tunis, évidemment, on peut faire du shopping dans les grands marchés. La Médina en est l'illustration parfaite. À l'intérieur, on trouve toutes sortes de choses, objets exotiques, vêtements, épices, et de très bons vendeurs. Tu as dû t'en rendre. Ah oui, ça c'est excellent. Il y a des très bons vendeurs dans la Médina. Des très bons vendeurs, hein. Ah oui. Est-ce que tu connais le Cheikh Jacky? Ah non, celui-là je le connais pas. Le Cheikh Jacky va te vendre un tube. Vas-y. Bégir étranger, ça tombe bien que tu sois lâche. J'ai un très bon tube à te vendre. Attention, moi je vais faire l'accent belge d'ici deux secondes. J'ai du Madonna à pas cher. T'as du Madonna pas cher? Du Justin Timberlake à pas cher. Au plus cher. Je sais ce que tu préfères. Tu préfères le zouk? Oui, mon fils. On a du zouk pour et toi. Du zouk, et de l'amour. On a un dealer dans la Médina. Et de l'amour et il, tout. Il et... est dealer de zouk. Écoute ça, c'est seulement 15 dirhams, c'est pas cher. Et pas cher. Ah, c'est pas cher du tout. Et ça s'appelle dealer de zouk. Dealer de zouk. D'être avec moi, dans nos projets un bébé se prévoit. Il n'a jamais manqué de quoi que ce soit, ni d'amour ni de tendresse. Il n'a pas besoin d'être ton complice, et encore moins de tes services. Tu n'auras rien qu'à ne fais pas ton actrice. Reste loin de mes nuits d'ivresse. Mais éloignée, elle m'a osé. N'arrive pas là déjà. Et tu peux pas faire ça, elle a osé. Essayez, laisse tomber. Marche pas. Le Blue Club, la seule émission de radio réservée à un public VIP. Call me up and hit me to your steez. Told me you were looking for a guy like me. So I said, oh, don't hide the one. Unless shorty really wanna have some fun. But she said that you told her I was what you want. When I call you, don't try to run. I'm the guy in your dreams that you had last night. I'm the Benz with the 20s that you wanna drive. I'm the thug in your life that'll treat you right. Got your hood cause I'm bringing every day in your life. I know that you're more than this. Tell me, can you handle it? You work this, and maybe you can work it. I know that you want all of this. Tell me, can you handle it? Show me how you work this, and maybe Everybody knows about you and me. Ain't no more need for you and me to creep. I want you so bad, I don't care who sees. So girl, hold on, check out what you want. I know you ain't scared to go and have some fun. So let your girlfriend know you found someone who be keeping you tight and strong. I'm a dying dream that you had last night. I'm a Benz with the 20 that you wanna drive. I'm the thug in your life that'll treat you right. Got your hood cause I'm bringing everything you like. I know that you love me. Man, it's amazing. Spit the game undercover. I'm lethal like Danny Glover. Got you running to your mother, making plans for life. Yo, I'm only 15. What I need with a wife? We can walk through the mall while I hold your hip. So you can hang out the drop while I'm pushing the whip. Take you on a ride, you will never forget. Running home, telling your friends, little Fizz is it. Got you known by the way that I lick my lips. Man, I got many dimes. I ain't sweating the chick. Yo, I run these girls from coast to coast. Drop the game so sick, I got them doing the most. Come on. That you more than this. Tell me, can you handle it? Show me how you work. Oui, c'est le club. Et oui, c'est le club. L'émission la plus branchée VIP, VIP de la radio bande FM. Enfin, oh, enfin on y est. On y a pas. Dis donc, des fois tu parles fort dans le micro. Hein. Je rappelle que je suis en compagnie d'Alain. Oui, c'est moi, bien. Et puis je suis obligé de. En compagnie de Jack. En compagnie de Jack, oui. Et ça, c'est moi, Jack. Jack, c'est Jack. Je suis obligé de m'annoncer à chaque fois tout seul. Les autres sont égoïstes. Les gens sont égoïstes dans la vie. On est vraiment méchants, hein. C'est vrai, plus ça va, plus les gens sont égoïstes. Tu n'as pas remarqué, Alain ? On est tellement méchants avec toi qu'on est obligé... je suis obligé de te laisser. Bon, bah, voilà. Raison professionnelle, là. Tu pars encore, d'accord. Je pars encore. Donc je vais encore finir tout seul l'émission. Oh, bah, je suis vraiment désolé. Tu écouteras au moins. J'écouterai dans la voiture. D'accord. Raison professionnelle. Ouais. Et puits de pétrole, toujours. Tout à fait. Décidément, vous avez la chance d'avoir tous au moins un puits de pétrole qui veille sur votre porte-monnaie, hein, parce que moi, j'en ai pas. Il est en train de fuir, là. Je suis obligé d'y aller, là. D'accord. Bonne chance. Tu diras bonjour aussi à Bobby. D'accord. Je te laisse, hein. Ça bye marche. Bye. Moi, je te laisse aussi. Je te fais un gros bisou. Bah, je te dis au revoir. Hein. Je te dis à bientôt. Et puis, j'espère que ça va marcher. Bien, ouais. La femme, les enfants, tout ça. Tu diras un grand bonjour à tout le monde. D'accord. Je ferai un bisou là-bas. Très bien. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Bah, ouais, pareil. Allez, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao. Voilà, c'était Alain pour sa participation dans le club VIP. Alors, on peut le remercier. Il est resté. Il a veillé le temps qu'il a pu. Et c'était très bien. Mais c'était très très bien. C'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Il est parti. Bon, bah, quant à nous, nous allons enchaîner avec de la bonne musique. Mais avant, je vous rappelle qu'on a une rubrique ici qui s'appelle le tube le plus naze. Et vous allez voir que certains tubes sont très très nazes. C'est juste après un petit indicatif sonore. Car j'aime bien les indicatifs sonores. Hein. Wow, j'adore ça. Je suis un petit peu joueur avec les indicatifs sonores. Wesh. Voilà, alors le tube le plus naze, le principe. Eh bien, on trouve des artistes, compositeurs qui composent des titres qui ne sont pas toujours très brillants. Moi-même, je me suis essayé dans l'exercice de composer un titre, c'est pas facile du tout. Et là, je vous propose de retrouver un artiste qui s'appelle Christophe. Alors, Christophe, il a chanté Aline pour qu'elle revienne. Il a chanté également Les mots bleus. Et Christophe a chanté également une chanson pour la princesse à Monaco. Il n'est pas le seul, me direz-vous. Il y a également récemment Geronimo, un artiste belge qui a chanté pour la princesse de Monaco. On écoute un petit extrait, ça donne ça. Hein. Les artistes sont beaucoup influencés par la principauté de Monaco. À Monaco, quand il y a de l'orage, je sors la BM du garage pour négocier tous les virages de la corniche supérieure. Ou un matin de 1982, ma princesse a eu peur. Voilà donc Geronimo qui chantait encore un hymne à la princesse Monaco. La princesse Monaco, donc Stéphanie de Monaco. En 1982, effectivement, elle perd malheureusement dans un triste accident sa maman. Bon, c'est une page un petit peu sombre de l'histoire de la principauté de Monaco. Toujours est-il que Christophe, toujours également influencé par cette fameuse Stéphanie de Monaco, va également lui écrire une chanson qui, pour ma part, hein, maintenant peut-être que vous la trouverez bien, mais pour ma part est un petit peu ridicule. Il s'agit de « Ne raccroche pas ». Elle est ridicule dans les paroles. Maintenant, c'est assez rigolo d'écouter justement ces mêmes paroles parce que, imaginez la scène. Imaginez quand il va dire tout ce qu'il va dire. Vous allez voir, je vais vous lancer la musique. Vous allez voir que Christophe n'a pas peur du ridicule. Belle mélodie. Ma princesse pleure dans les journaux, voit des larmes, le choc des photos. Elle a le cœur lourd, elle a besoin d'amour. Et l'amour, l'amour le voilà, qui appelle d'une cabine en bas. Allô. Allô, Stéphanie, ne raccroche pas. C'est samedi, je passais par là, près du palais, je t'offre un verre. Allô, Stéphanie, bien vite, je t'attends. Sèche tes yeux, ne fais pas l'enfant. La nuit est douce. Près de la mer, tu me reconnaîtras. J'ai mis mes bottes rouges pour t'emmener danser. Bon, alors, ça, je suis obligé d'interrompre la chanson là, chanson de Christophe. Donc, alors, il est quand même tranquille, Christophe. Il arrive, il téléphone à la princesse de Monaco sans la connaître. Et il lui dit, très simplement dans la chanson, « Tu me reconnaîtras, j'aurais mis mes belles bottes rouges pour t'emmener danser. » Bah, quelqu'un qui dit ça à une fille, à mon avis, je suis pas une fille, mais je craquerais quand même. Hein. Il a du style, ce Christophe. Ah oui, Christophe, avec tes bottes rouges, sans conteste, Monaco, Stéphanie de Monaco, à mon avis, un bain, c'est gagné. Voilà, c'était la rubrique de Tube, le plus naze. Et puis, d'ici quelques instants, vous aurez la suite avec un sketch inédit sur aucune radio. Voilà, on retourne en musique avec Linkin Park. Et puis d'ici quelques instants, donc, comme je vous l'ai dit, du sketch, de l'inédit. Il y aura également l'appel téléphonique, le canular de la semaine. Mais pour l'heure, c'est ça et c'est tout de suite dans vos oreilles. Thank you. Club. Le club. Oui, c'est le club que vous écoutez sur la radio. On va attaquer tout de suite avec un autre sketch. Un sketch fait maison cette fois. Des fois, on diffuse des sketchs d'acteurs, de comiques connus. Allez, une fois n'est pas coutume, on a fabriqué un sketch. On aime bien faire ça à la radio ici. Hein. On aime bien dans le club fabriquer des sketchs. Un sketch parodique d'une série radiophonique, d'une série tout simplement télévisée. Un petit peu une sorte de parodie de flic. Ah, comme il en passe beaucoup des séries sur les policiers. Donc je vous propose cette parodie, une parodie de série américaine. Et puis on se retrouve derrière pour un petit coup d'œil sur la suite du programme. La parodie, tout de suite dans la radio. J'adore Miami. Je passerai des heures nues sur la plage, bercé par les zéphyrs de l'océan. Rhabille-toi, Steven. Tu vas attraper froid. Plus jamais je ne m'habillerai. C'est tellement futile. Tu es sous, je vais te ramener. Monte dans la voiture. Tu montes prendre un verre? Tu as déjà assez bu pour ce soir. Je pensais à les fraises, Kelly. En toute amitié. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je crois que nous devons mettre un terme à notre relation. Ce qui veut dire que nous ne ferons pas l'amour ce soir. Ton jacuzzi était trop petit. Je me prenais toujours la poire. Adieu, Steven. Adieu, Kelly. Allô, Jason? Oui. Je te réveille? Oui. Ne crois pas que je veuille te raccrocher au nez, mais je dois dormir. Attends, je voulais te dire que j'apprécie de pouvoir me confier. Vider mon sac. Non, il est tard, Steven. Bonne nuit. Tu es le genre de personne à qui on pourrait parler des heures de ses problèmes. Allô, Jason? Dubs, où est l'inspecteur Croquette? Bah, je sais pas, j'ai... Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a appelé à 3h du matin cette nuit. Il traverse une crise d'adolescence. Ça lui passera. Non. Il a 35 ans. Je crois que c'est autre chose. La mort de sa femme, le décès de son hamster, deux événements durs à encaisser, lieutenant. Je vais devoir le mettre à pied. Il devra restituer sa plaque, son vélo et son flingue. Vous pouvez pas faire ça, lieutenant. Très bien. Il reste l'affaire des perruches avariées. Vous plaisantez, mais on n'est pas des pigeons. C'est ça ou la mise à pied. Ok. Tu es le genre de personne à qui on pourrait parler des heures de ses problèmes. C'est normal. Je sais que la police est toute ta vie. C'est vrai. Sans mon flingue, je ne suis rien. Je sais bien. Bon, je vais me coucher, il est tard. On a une enquête sur les bras demain. Attends, je voulais te parler de mon enfance au Canada. Ça me ferait du bien. Je suis fatigué, Steven, une autre fois. Tu savais que j'avais été élevé par des prêtres homosexuels? Bonne nuit, Steven. Ouais, pas facile d'être flic à Miami ici. Et il est encore plus dur de se confier à des gens bien. Voilà, vous écoutez le club. On va repartir avec une petite perle de la musique. Indochine avec un singe en hiver. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite avec le canular téléphonique. Et puis on sera à la phrase du jour également, une phrase distillée par une personnalité. Ça marche, on fait ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va très bien. Indochine, un singe en hiver. Je suis rentré d'Indochine hier matin. J'ai rapporté des dahlias et du jasmin. J'y ai laissé ma jeunesse et ma moto. Je suis rentré d'Indochine. Sur la piste au Kimin, j'aurais dansé. En l'honneur du Viet Minh, j'aurais fumé. Je suis rentré d'Indochine hier matin. J'ai rapporté des dahlias et du jasmin. Bob Moran était tendu. Brigitte Béjot entendu. Oh oh oh, voilà un singe en hiver. Oh oh oh, j'entends plus les hélicoptères. Thank you. Hiroshima, j'ai trouvé une vie bien trop facile, bête à crever. J'ai déposé mes dahlias et mon jasmin. Je suis reparti, j'ai dit salut, je vais voir plus loin. Plus loin, c'est toujours l'Indo que j'ai trouvé. Partout, c'est l'Indo ma vie. Au pied de nos vies. Oh oh oh, voilà un singe en hiver. Oh oh oh, j'entends plus les hélicoptères. Un singe en hiver, Indochine. Vous écoutez le club, toujours. Oui, c'est moi, c'est Jack qui vous présente le club. Et tout seul, hein, puisque je le rappelle, Julien, Bretto, Thomas nous a quittés dès la première émission, on espère le revoir un jour. Alain même m'a quitté. Je suis seul avec mon chat. Mon chat dans la gorge. C'est déjà ça, hein. N'est-ce pas? Mais oui, tu es gentil. Mais oui, tu es gentil, toi. Tu es le seul à rester jusqu'au bout. On va enchaîner avec la phrase du jour, car oui, certaines personnalités parfois peuvent être conduites à dire des phrases stupides. Oh, je ne suis pas le dernier pour ça, hein, je ne suis pas le dernier, voire même le premier. En tout cas, il y en a un autre qui est très fort. On aime beaucoup le retrouver dans la phrase du jour, car il dit souvent des phrases assez philosophiques. C'est Jean-Claude Van Damme. On le retrouve juste derrière ce petit indicatif sonore. Maintenant, vous le connaissez, c'est une tradition, l'indicatif mosaïque. Voilà la phrase du jour, Jean-Claude Van Damme qui nous parle de Dieu. C'est beau, vous allez voir, c'est tout de suite dans la radio. Ouvrez grand vos oreilles, parce que quand Jean-Claude parle, il parle. Oui, bonjour, Philippe de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Jean-Claude, est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Je crois en Dieu. 1 plus 1 égale 1. Il y a Jean-Claude, il y a Dieu dans le même corps. Si on peut s'unifier, on devient ce qu'on appelle des miracles. Et chaque personne a le Seigneur en soi. We all one. Je crois vraiment au Seigneur. Voilà, bon, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, Jean-Claude Van Damme. On peut dire qu'il va droit au but. Et quand il a des choses à dire, il le dit. Vous connaissez Clone? C'est ça, c'est ce qu'on entend au fond, là, derrière moi. Là, la petite musique un petit peu toute basse que vous entendez tout doucement, là. Vous l'entendez? Approchez vos oreilles. Attendez, attendez. Chut, chut. Vous l'entendez mieux là. C'est Clone, Shut Up and Dance. Donc c'est clair, il faut faire le silence et danser. Juste derrière, on se retrouve avec la suite. La suite, je vous laisse deviner, ça va être le canular téléphonique. Et c'est plutôt pas mal. I am loaded, I am busy with my friends. I can't stay quiet. I mean, yeah, you know. This is me step by step, and I am a Coca-Cool. You know, somebody you and me as nice as a romance. You're making me nervous. Last night the DJ killed a guy. Yeah, he was dancing to the music and then he died. I am sightseeing. I am going home very soon in my room. We'll be back. Come on, shut up and dance. Il n'y a pas que des animateurs excellents sur la bande FM. Voici le kitsch de la bande FM. Ah oui, ah non, non, on n'est pas tous excellents, c'est vrai. Ah, faut le dire, faut l'avouer. C'est la radio que vous écoutez, c'est Jack au micro dans l'émission Le Club sur la bande FM. Merci de votre fidélité quand même. Vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir. Le Club donc avec Jack. Et bah, ça tombe bien que vous soyez restés, excusez-moi. Ça tombe bien, puisque nous allons attaquer avec le canular téléphonique. Ah, voilà une rubrique qui allait bien. Donc, je m'amuse à appeler des gens, effectivement, des professions, parfois libérales, pour un petit peu les titiller, les embêter. Est-ce que une seule fois, vous n'avez pas douté de votre garagiste? Est-ce qu'il vous a pas, par hasard, fait payer des choses qu'il n'aurait pas dû? On peut pas savoir, puisqu'on n'est pas nous-mêmes garagistes. C'est pourtant toujours le doute qu'on a avec un garagiste. Alors, le petit canular, ça consiste justement à piéger un garagiste. Je me suis dit, vengeons-nous, on ne sait jamais. Peut-être que la dernière fois qu'il a changé mes freins, peut-être que mes freins marchaient très bien. Alors moi, je vais lui faire réparer un truc qu'il ne pourra pas réparer. Au moins, on sera sûr qu'il ne marchera pas, mais au moins, on sera sûr qu'il n'aura pas fait de bêtises dedans. Ça s'appelle le sketch. C'est plus qu'un sketch, puisque c'est un sketch réel avec des vrais gens. On a appelé un vrai garage. Un garage dont on ne citera pas la marque. Et il avait l'air sympathique, en tout cas, le monsieur. Bon, on vous lance ce canular téléphonique ? Allez, on met une petite musique avant ? Allez, on y va, en impro, on le lance. Et puis, je vous dis à tout de suite après. Garage Amont, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô ? Oui. Oui, je vous appelle pour un petit problème d'ordre technique. Vous faites des réparations ? En principe, oui, on est là pour ça. Chez Renault, toujours ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que... Moi, je vous dis très simplement, c'est un petit problème d'ordre technique au niveau de ma tondeuse à traction. Le moteur n'est plus tout à fait en état. Une tondeuse ? Oui, tout à fait, oui. Ah ouais, mais là, on n'est plus dans l'automobile. À traction ? Avec un moteur, je veux dire. Oui, bien sûr, oui. Non, parce que, attention, vous faites des moteurs, j'imagine. Oui, d'accord, mais on n'est plus dans l'automobile. Oui, mais une voiture, c'est un moteur. Ouais, c'est un moteur, oui. Et ma tondeuse a un moteur. Ouais. Et le moteur ne va pas très bien, on peut le dire. Ouais. Alors, bon, je vous l'amène vers quelle heure ? Vers quelle heure ? Oui, tout à fait. Mais pas aujourd'hui, hein. Ah bah écoutez, je dois passer la tondeuse demain. Ah bah oui, mais moi, j'ai autre chose à faire que de réparer les tondeuses le samedi soir, hein. Ah oui, je sais bien, mais en même temps, il y a urgence. Ah non, mais moi, il est hors de question de réparer les tondeuses le samedi après-midi, hein. Bon, ok. Sinon, est-ce que vous faites du changement de roue ? Du changement de roue ? Mais vous me cherchez quoi, là ? Non, c'est bon, là, je ferme, là, moi, je... À réparer ma tondeuse ? J'ai terminé ma semaine aussi. Ah bon ? Ok. Donc, a priori, vous n'interviendrez pas avec le camion ? Quel camion ? Bah, la dépanneuse. Pourquoi ? Bah, pour la tondeuse. Pour la tondeuse. Mais vous êtes qui ? Jean-Christophe Gonnet. Oui, alors ? Non, on se connaît pas. Je croyais que vous étiez compétent, je me rends compte que... Ah oui. Non, mais je regrette, vous avez besoin de tonde demain, moi je vais pas vous réparer votre tondeuse cet après-midi, il est hors de question. Une tondeuse, ça se répare pendant la période d'hiver, on n'y pense pas le jour de la tonte, d'accord ? Ouais, mais c'est bien malheureux quand même. Ah ben c'est bien malheureux pour vous peut-être, mais moi aussi j'ai mes épouses à la tonde aussi. Bon, j'ai plus qu'abusé de votre temps, je suis désolé dans ces cas-là. Je vous en prie, allez, bonne soirée. Au revoir, bonne nuit. Je suis quand même sympathique, hein. Je suis quand même gentil avec les garagistes. Voilà ce petit canular. J'espère que ça vous a plu. Moi, je l'ai trouvé quand même très frais, très printanier. On va enchaîner avec un petit indicatif sonore. Et après, vous retrouverez trois de mes amis qui ont fait une très belle chanson rap. C'est un petit groupe bien sympathique. Je vous les présente juste après ça. J'ai envie de mettre des intercalages sonores, ma foi. J'ai l'impression qu'il y a du monde comme ça. C'est bon. Voilà! Et c'est le club que vous écoutez toujours. Alors, je vous l'ai dit juste avant le petit intercalage sonore, je vais vous parler d'un groupe de rap. Ils sont nombreux, les groupes de rap en France et ailleurs, à faire de la musique rap. Mais ceux-là, ils sont vraiment très forts et ils ont sorti un titre. Ça s'appelle Foot à Cagoule. C'est du rap engagé. Alors, Je veux faire une annonce. Attention aux âmes sensibles, hein, si vous aimez les choses un petit peu dures, ou si vous êtes justement un petit peu sensible par des propos un petit peu durs, je vous conseille de fermer votre poste de radio. Foot à Cagoule, attention, du rap engagé. 50% rap, 50% go-go, go-go. Aujourd'hui, je reçois un groupe qui pratique le rap savoyard. Alors, pour Rap à Gogo, voici en exclu. Éviter les fatales bazookas. Ouais, c'est pour tous nos potes qui nous regardent depuis la Savoie, ou parfois ils ont froid. Alors nous on leur dit, on a un conseil à vous donner, c'est foutre ta cagoule. Foutre ta cagoule. Foutre ta cagoule, sinon t'auras frotteur à les boules. Foutre ta cagoule à Vesoul ou bien à la Bourgoule. Faut ta cagoule, mais c'est ta tous les boules. Faut ta cagoule, faut ta cagoule, sans faire caboule, sans faire caboule, sans faire caboule, tu fous ta cagoule. T'as compris? Tu fous ta cagoule. Un deuxième titre en cadeau. Ouais, non, balance papa. Ouais, c'est pour tous nos potes qui nous regardent depuis la Savoie. Ou parfois ils ont froid. Ils ont froid. On a un truc à vous dire. Ouais. C'est mets ton bonnet. Mets ton bonnet. Fous ton bonnet. Fouillaka. Après t'as les mettre ton bonnet. Fous ton bonnet. Fouillaka. Après tu vas t'en remettre. Fous ton bonnet. Fous ton bonnet. Fous ton bonnet. Fouillaka. Fous ton bonnet. Même si après tes cheveux ils vont te raser. Fouillaka. Fous ton bonnet. Ah bah, je vous avais prévenu, hein, c'était du rap engagé. On se quitte un court instant avec Javin, Real Things sur la radio. Et puis après, bah, je crois que bah, après, bah, je vous annonçais une mauvaise nouvelle. Après, c'est après Javin. In reality, running the city. So you wanna be number one. Don't forget where you came from. It's not about me and you. It's about the things you do. Most guys don't have a clue. Material issues. How can I make you see the real things in life are free? Show you what you love is. Need someone that'll never let you down. Be the finest, it don't matter to me. You could be the baddest, be the most stylish. You could be rolling in money. It don't matter what you got, if your heart is out of love. You could be the hottest, you could be the finest. It don't matter to me. I don't mind pretty things, wouldn't mind a diamond ring. But trust me, I'll be chipping in. I take what life brings. I gotta do what you decide, or do what feels right. I just wanna keep it real, that's just how I feel. It's not about the J-O-B, but the R-E-S-P-E-C-T. How can I make you see the real things in life are free? We all need someone that can show you what you love is. That'll never let you down. Need someone to tell you that they love you and always be around. You could be the hottest, you could be the finest. It don't matter to me. You could be the baddest, be the most stylish. You could be rolling in money. Rolling. Don't matter what you got, if your heart is out of love. You could be the hottest, you could be the finest. It don't matter to me. If you got it, you don't have to flaunt it. If I don't show it, don't mean that I ain't got it. No, it don't mean a thing if you ain't got real things. Shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up. You could be the hottest, you could be the finest. It don't matter to me. You could be the baddest, be the most stylish. You could be rolling in money. It don't matter. Don't matter to me. Amis auditeurs, je crois que vous l'avez compris en entendant cette petite musique. La mauvaise nouvelle, c'est que l'émission Le Club touche à sa fin. Troisième partie, c'est fini. Il va falloir se dire au revoir, tout simplement. Et puis, on vous dit à bientôt. Hein. Je vous rappelle quand même ce qu'il y a eu dans l'émission. L'histoire que vous partiez heureux. Il y a eu du côté de la Bande FM où on est allé à Tunis. Alors, bon, la question c'était de savoir où était Tunis. Mais Tunis, c'est tout simplement en. Bah, je vous l'ai entendu, en Tunisie. Il y a eu le tube le plus naze avec Christophe qui chantait un hymne à l'amour de Stéphanie de Monaco. On a eu également la phrase du jour, très belle phrase hein, de Jean-Claude Van Damme. Et puis diverses choses et variées, des sketchs, des canulars téléphoniques. Enfin bon, c'était bien, c'était la troisième partie. Je vous dis à très bientôt. Hein. Je passais un très bon moment en votre compagnie. À très bientôt. Avec toute l'équipe, il y aura Bréto, il y aura Julien, peut-être Toba, on sait jamais. Hein. Il y aura Alain, par la pensée, il y aura tout le monde. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté le club. Ciao, à bientôt. On se quitte avec cette belle musique.